On va parler des Jeux du Québec avec notre ami Alexandre Lallemand qui se trouve à Montréal. Salut Alexandre! Oui, ça va bien Alexandre. C'était le passage au deuxième bloc hier lorsqu'on s'est parlé. On a enregistré un petit peu plus tôt cette entrevue-là. Comment ça se fait, ça se passe le deuxième bloc? Rappelle-moi, est-ce que c'est les athlètes du premier bloc qui s'en vont, puis là maintenant il faut vraiment donner des consignes au deuxième bloc? Et comment ça se passe? Oh. OK, donc, comment c'était le spectacle pour le 40e anniversaire pour souligner les 40 ans? Ouais. OK, volleyball de plage, victoire des filles comme Montréal, parle-moi de ça. OK. Ouais. Ah, OK. Ça, c'est-tu des athlètes du haut du lac? Oui, je pense, hein? OK. Oui. Ça, c'est clair de tes pensées. Donc, 21 médailles, vous avez atteint votre objectif. Parce qu'hier, on a enregistré plus tôt, il y a une médaille d'or au tennis, si je ne m'abuse, c'est ça? Ouais. Ouais. OK, donc ce que je peux confirmer également, c'est qu'en volleyball de plage au niveau masculin, comme je vous ai dit, au niveau féminin, victoire contre Montréal. Par contre, au niveau masculin, l'équipe a perdu contre la Rive-Sud et l'équipe joue un deuxième match contre Lanaudière. Puis il y a également, on parle du basketball aussi, je pense. Hein? L'équipe débute son premier match contre Chaudière-Appalaches, c'est ça? Ouais. OK. OK. Donc, Alexandre, on rappelle évidemment les gens qui veulent aller voir. Moi, je prends mes informations. J'ai de l'air intelligent, mais je ne suis pas plus intelligent que les autres. J'ai pris mes informations sur regroupement, sport et loisirs sur les médias sociaux. C'est ça? OK. Et également, vous pouvez les voir sur RDS et également sur le site des Jeux du Québec, c'est en web diffusion. Alexandre, on se parle demain, je ne sais pas à quelle heure, puisque demain je dois aller à Saint-Prime, mais on se parle à quelque part dans la journée de demain. Alexandre Allemand, le chef de mission de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean.